franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour ma Marga. Alors mon petit doigt me dit que nous partons dans le sud où il fait chaud et beau. Eh oui, à Gréoux-les-Bains. Alors vous allez me dire, c'est où Gréoux? Gréoux c'est où? Oui. Eh bien, Gréoux c'est dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et je sais juste qu'un barrage, le barrage de Gréoux, y a été établi sur le Verdon, en amont de la ville, en 1957. Et que eh bien, la commune est membre du parc naturel régional du Verdon. Et moi, je sais que c'est très joli, cette ville, n'est-ce pas, Sophie? Oui, bonjour à vous deux. Je suis très heureuse de participer à votre émission Coûte que coûte. Merci. Merci, bonjour Sophie. Alors, on vous écoute. Souhaitez-vous un conseil médical, donc physique, ou un conseil d'ordre psychique? Là, c'est vraiment médical. Alors, c'est quoi le... Ben voilà, je suis chanteuse. Et le problème, c'est quoi? J'ai 34 ans, j'ai une tessiture plutôt soprano. Vous chantez quoi? La Norma, la Traviata, c'est quoi votre répertoire? Non, plutôt variété française. D'accord. Nicole Croisy, France Gall, Véronique Sanson, d'ailleurs. D'accord. Mais en gardant ma personnalité, hein. Attention, je suis pas imitatrice, hein, c'est pas du tout le métier. Ouais, d'accord. Ouais. On peut avoir un petit aperçu de vos talents? Si vous voulez, alors... C'est très sympa. Oui. Alors, quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Ah ouais. Et après, il y a... Égal, ça. Et enfin, pour la première fois... Je me suis sentie femme, femme, une femme. Ah oui, ah oui. Et puis il y a aussi, je sais pas, il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Oh là là, ça ressemble, hein, ça ressemble. À quoi? Eh ben à l'original. Non. Et puis je vous appelle docteur de Beaulieu parce que j'ai un petit problème, vous avez dû l'entendre, de nodules. Ouais. Et ça me fait peur, vous comprenez? Ben oui, ça fait jamais plaisir, un nodule. C'est-à-dire c'est carrément gênant, quoi. Quand je chante sur scène... Oui, c'est disgracieux, le nodule, c'est... Comment ça? Ben c'est pas très joli à regarder, c'est pas... Ah mais ça se voit pas. Non, eh ben tant mieux, écoutez. Non, il est sur mes cordes vocales. Cordes vocales, oui. Et ça me gêne pour chanter. Pour chanter, oui, je savais ça. Je suis médecin, hein, je vous le rappelle. Ah oui. Alors je résume, donc ce nodule, il faut à tout prix l'enlever et s'en débarrasser. Oui, mais sauf que je ne vais pas pouvoir parler pendant une semaine, 15 jours, et j'ai plusieurs dates de gala, dont une version concert, enfin piano-voix de Starmania. J'adore Starmania. Oh là là, vous pouvez pas nous faire un tout petit bout? Je connais tout par cœur. Non, mais mon ORL m'a déconseillé de chanter en ce moment. Allez. Pas un petit nobule qui va nous en priver. Oui, allez, d'autant qu'il y a des dizaines de milliers d'auditeurs qui vont vous écouter. Le monde est stone, le monde est stone. Et je chante avec vous, allez, un tout petit bout. Allez. Stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. De la nuit. Je sais pas si c'est la tête qui éclate, qui tourne à l'envers. Peut-être qui éclate, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Cinéma. J'adore ça. C'est très fort. Bravo, vous chantez tellement bien. C'est vraiment pas pareil à hein, quelqu'un de professionnel. Ah parce bah que oui. Là, on aurait dit Fabienne Thibault. Ah oui. J'aurais juré c'est Fabienne Thibault. Non, je garde ma personnalité quand même. Hein. Ah oui. Ça, je crois que les gens aiment. Et c'est pour ça que je commence à me faire un petit nom à Gréou. D'accord. Depuis que je chante au casino, là, j'enchaîne. Mmh. C'est vrai que là, j'ai entendu que c'était pas vraiment ça. Hein. Il vous fait chanter un peu faux, le Nobule. Non. Pour la cicatrice, on vous a dit quoi au niveau du délai de... pour plus que ça s'ouvre, là pour pas que ça s'ouvre. La cicatrisation, voilà. Remarquez, vous mettez un col roulé ou un col cheminé, et puis ça fera la blague. Non, mais il n'y a pas de cicatrice. Hein. Il passe par la bouche et c'est fait au laser. C'est au laser, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon, bah vous pourrez rechanter. Hein. Oui, mais en attendant, il faut que je fasse très attention. Pour Il ne faut pas que je chante. Il vaudrait même mieux que je chuchote jusqu'à l'opération. Et vous connaissez « J'aurais voulu être un artiste » Parce qu'en plus, ça, c'est pile pour vous. Non, c'est une chanson d'homme, ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous aussi, vous auriez voulu être une artiste. Une artiste. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous auriez voulu être une artiste connue en dehors du casino de Gréou. Oui. Hein ? Je vis de mon métier, c'est déjà bien. Hein. Ah, oui. C'est pour ça que ça m'inquiète de m'arrêter. Non, oui. Allez, juste un tout petit peu. J'aurais voulu être une artiste. Il y a plein de gens qui écoutent. Pour une fois, juste leur phrase, allez, s'il vous plaît. Allons-y, on va pas vous prier non plus. Allez. J'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être une artiste. Ah, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Ah. Oula, zut, oula. Presque. Oh, c'est la catastrophe. Je me suis cassé la voix. Comment je vais faire? Vous pouvez chanter Casser la voix de Bruel. Oui, ou du Claude Barzotti. Ou alors, si vous savez, j'aime les amandes de Vérone. Ah oui, minestrone. Allô? Tu imites bien Barzotti. Et Philippe, j'aime bien quand tu fais Montant. La bicyclette. Ah oui, allô, avec poulet tout. Hein, tu imites bien toi aussi. Et oui, comme on dit en France, tout finit toujours par des chansons. Voilà, au revoir Yann Chouquet. Merci pour cette belle mise en onde. Ah oui. Au revoir Philippe. Merci Margaret, au revoir. Au revoir tout le monde. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.